tous, bienvenue dans cette cinquième popote des idées. Jusqu'à 11h30 sur Radio Laser, on parle de l'Europe. Il aura suffi d'une tentative d'opposition, celle de la Wallonie, pour qu'un accord fasse parler de lui. Le CETA, un accord commercial négocié entre l'Europe et le Canada, vient d'être approuvé par la Commission européenne, c'était le 30 octobre dernier. Cet accord, vous ne connaissez peut-être même pas son existence, et pourtant, il est en négociation depuis de nombreuses années. Dans l'ombre, dans les hautes sphères de l'Union européenne, les négociateurs s'interrogent sur l'avenir de l'Europe, sur des mesures qui toucheront ensuite l'ensemble des Européens. Mais alors, justement, n'y a-t-il pas un problème à ce que les citoyens découvrent l'existence d'un traité relativement grand, à seulement quelques jours de sa signature, par la Commission européenne? Alors bien sûr, on parle ici d'un accord qui ne sera valable que dans de nombreux mois, voire de nombreuses années. Il doit maintenant être approuvé par le Parlement européen, dont les membres ont été élus par des citoyens. Et si le Parlement européen l'approuve, il faudra que le texte soit voté par l'ensemble des parlements nationaux. Le problème qui se pose, c'est le peu d'emprise qu'ont les citoyens sur ce traité. Comme on le disait, il existe certes un cercle de militants actifs qui s'opposent à ce traité depuis de nombreuses années, mais la plupart des citoyens ne semblent pas s'intéresser à ces problématiques. Alors est-ce lié à un manque d'informations, de transparence? Pourquoi ne pas imaginer une nouvelle façon de gouverner en Europe? D'autant plus que ceux qui semblent vouloir faire valoir leur choix, leur voix, les citoyens, on constate une volonté qui s'exprime par des votes extrêmes au Parlement européen. Que ce soit l'UKIP en Grande-Bretagne, le Front National en France, le Parti Populaire au Danemark, le Parti de la Liberté en Autriche ou encore Obdoré en Grèce, les dernières élections européennes ont vu apparaître un grand nombre de partis d'extrême droite au Parlement européen, des partis qui veulent quitter l'Union européenne pour ensuite pouvoir créer de nouvelles alliances. Alors l'Union européenne, fait donc face à des crises internes et externes à ses institutions, une situation bien désagréable pour une Union qui semble vouloir devenir toujours plus importante et forte, comme on le voit à travers cet accord avec le Canada. Ne faudrait-il pas que l'Union soit plus stable avant d'envisager une ouverture sous le reste du monde? Que peut-on encore faire de l'Europe? On se pose la question jusqu'à 11h30 sur Radio Laser. Pour m'aider à animer cette émission, je suis comme chaque semaine accompagné de Clément et Colin. Salut Clément. Alors chaque semaine, tu vas donc à la rencontre d'un événement, d'une personnalité, d'une association sur Rennes. Et aujourd'hui, tu es allé rencontrer Edouard Boursieux. Et oui, en effet, je l'ai rencontré à la Maison de l'Europe jeudi dernier. Et c'est actuellement le représentant de la Commission européenne en France. Et auparavant, il était responsable de la stratégie à la Direction générale du commerce de la Commission européenne, donc qui est située à Bruxelles. Et j'ai pu lui poser des questions sur le CETA, mais aussi sur la démocratie en Europe. Et donc, on les écoutera au cours de cette émission. Colin, salut. Salut Tanguy, salut à tous. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui dans ta chronique médiatique? Alors, aujourd'hui, je vais essayer d'être à peu près aussi clair que Jean-Pierre Raffarin. Win the yes means a no to win against the no. Ok, très bien, ça va être magnifique, on écoutera ça en milieu d'émission. Merci à Yves et à Arthur pour cette technique exceptionnelle, sans faille. Vous connaissez l'équipe et le sujet, la cinquième popote des idées du samedi 5 novembre 2016, c'est jusqu'à 11h30 sur Radio Laser. Donc, pour débattre de ce sujet, on a un grand plateau aujourd'hui puisque nous avons quatre invités. Philippe Salmon, bonjour. Vous êtes membre de Nouvelle Donne. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est Nouvelle Donne aujourd'hui? Alors, Nouvelle Donne, c'est un parti qui a été créé fin 2013. Donc, c'est un tout nouveau parti, tout jeune parti. En fait, c'est issu à l'origine du collectif Roosevelt 2012, dans lequel il y avait Stéphane Hessel, le fameux du Conseil national de la résistance, qui nous a quittés, et donc qui a aidé à créer en fait Nouvelle Donne avec Pierre Larouturou, qui est aujourd'hui le leader du mouvement. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Pour discuter avec vous, on reçoit Louis Jourdan, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc membre du mouvement européen de Rennes. Est-ce que vous aussi, vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi consiste, quel est l'objectif de ce mouvement? Très vite, un mot d'histoire. Le mouvement européen a été constitué en 1948, donc c'est un doyen. Juste après le congrès de La Haye, le mouvement européen s'est constitué au niveau de l'ensemble des pays qui souhaitaient faire quelque chose pour l'Europe. C'est donc un mouvement qui est issu des mouvements de résistance, bien entendu, et qui petit à petit s'est devenu, passé représentant de la société civile avec une structure fédérale, puisqu'il y a un mouvement central, un secrétariat central à Bruxelles. Chaque pays membre à une section nationale, et les sections nationales, comme en France, ont des sous-sections départementales, et je suis membre de la section d'Ille-et-Vilaine. Très bien, merci beaucoup. Pour discuter avec vous, notre troisième invité, Émeric Salmon, bonjour. Bonsoir. Vous êtes donc conseiller régional ainsi que responsable de la section rennaise du Front National. Le Front National, on connaît bien aujourd'hui. Est-ce que vous avez quelques mots à rajouter très rapidement? Non, et puis, je vous remercie pour votre invitation. Donc effectivement, je suis conseiller régional de Bretagne depuis décembre 2015. Et donc voilà, très bien. Responsable du Front National sur la ville de Rennes. Très bien. Et enfin, notre quatrième invité, c'est Thibaut Fleury-Grave. Bonjour. Vous êtes professeur de droit à l'université de Rennes 1 et vous êtes aussi responsable du master politique européenne dans cette même université. Est-ce que vous aussi, enfin, pour finir le tour des tables, vous pouvez nous dire en quoi consiste justement votre master? Quel est l'objectif que vous poursuivez? C'est un master 2 qui vise à former des étudiants à divers métiers. C'est un master 2 professionnel dans le domaine des politiques européennes, que ce soit les politiques extérieures, notamment en matière de migration, d'asile, mais également les politiques que mène l'Union européenne au niveau régional, au niveau local, comme par exemple avec les fonds que peut recevoir le Conseil régional de Bretagne de la part de l'Union européenne. D'accord, très bien, merci beaucoup. Pour commencer cette émission, je voudrais peut-être qu'on parle du coup du CETA, puisque c'est un peu la raison qui nous a poussé à faire cette émission aujourd'hui. J'ai un peu expliqué ce qu'était le CETA vraiment rapidement dans l'introduction. Donc, c'est un accord qui suit plusieurs objectifs, notamment une baisse des droits de douane sur les produits agricoles, qui va entraîner une grande importation de viande en Europe, notamment du Canada. Au Front National, je me tourne vers vous pour commencer, Émeric Salmon, vous êtes donc opposé à ce traité. Est-ce que vous pouvez nous dire en pourquoi, quelle est votre raison d'opposition? Alors la raison principale, vous l'avez quasiment dit dans votre question, c'est que on va diminuer des droits de douane entre le Canada et l'Europe, quasiment les réduire à néant, et ça va créer une arrivée de produits avec des normes économiques, environnementales. Même si les normes sociales avec un pays comme le Canada sont assez similaires à celles de la France et de l'Europe, les normes sanitaires ne sont pas forcément les mêmes, les capacités de production ne sont pas tout à fait les mêmes, et dans certains domaines, notamment vous avez parlé de la viande, mais aussi pour le laitier, ça va attaquer un secteur d'activité qui en France est déjà en grande difficulté. On se rend compte aujourd'hui que les agriculteurs souffrent en France à cause, par exemple, pour les produits laitiers de la fin des quotas laitiers, et plutôt qu'essayer de l'Europe devrait, à mon sens et au sens du Front National, essayer de travailler à remettre de la régulation, parce que la fin des quotas laitiers a été une catastrophe pour les éleveurs français. Eh bien, au contraire, on va leur ajouter une concurrence supplémentaire et leur ramener un nouveau marché concurrentiel sur le dos. Donc c'est un des principes majeurs de notre opposition. Il y en a bien d'autres sur les raisons démocratiques et le mode d'adoption de ce traité qui ne nous convient pas du tout. J'allais dire tout à fait, mais non, ne nous convient pas du tout. On voit ce qui s'est passé en Wallonie avec une pression qui a été mise sur les élus, et on voit l'opacité des négociations qui ont été menées pour le CETA et qui sont un peu similaires pour le TAFTA. Je ne sais pas si on en parlera plus tard. On aura l'occasion de le dire, ouais. Mais voilà, donc c'est un peu cet ensemble d'idées qui nous fait penser que cet accord, comme le TAFTA d'ailleurs, est un très mauvais accord. Et bien justement, par rapport aux négociations sur le TAFTA et sur l'opacité, on va peut-être directement écouter Édouard Boursieux, qu'on a interviewé, pour qu'il ait un peu la parole aussi, même s'il n'est pas en plateau avec nous, par rapport à la concurrence que vous disiez sur les producteurs de viande, lui, il part du principe que ce ne sera pas, que ces inquiétudes ont été prises en compte, mais que ça reste raisonnable. Je vous propose de l'écouter, vous comprendrez mieux. Qu'il y ait des inquiétudes, c'est parfaitement normal et c'est parfaitement légitime. Et notamment en matière agricole, où nos intérêts sont complexes. On a à la fois des intérêts offensifs très importants, beaucoup à gagner dans ces négociations, et aussi des fragilités, des intérêts défensifs très importants. Et où, donc, on doit être très vigilant, faire très attention à ne pas fragiliser davantage des secteurs, des filières qui sont déjà en difficulté, notamment la filière viande. Donc c'est normal qu'il y ait des inquiétudes. On les a pleinement prises en compte dans ces négociations. Dans le cas de la filière viande, il est évidemment totalement exclu d'ouvrir le marché européen de manière illimitée. On a une ouverture qui est limitée, contrôlée, progressive sur un certain nombre d'années et avec un certain nombre de tonnes de bœuf ou de porc, des quotas qui permettent de contrôler ce qu'on fait et qui permettent d'avoir quelque chose qui est compatible avec la situation de l'agriculture européenne aujourd'hui. Louis Jourdan, peut-être, est-ce que vous pensez que vous, cet accord, il met vraiment en danger la filière viande, comme le disait Aymeric? Le mouvement européen ne représente pas une catégorie spécifique de consommateurs ou de producteurs, donc ne se tâche pas à cet aspect des accords commerciaux. Il a une position plus globale, puisqu'il représente en général la société civile en général. Et là, on se base sur le fait historique que depuis le 19e siècle, les accords commerciaux de libre-échange ont plutôt un caractère bénéfique au niveau du développement, au niveau de la création de richesses et globale. Donc, a priori, nous ne sommes pas contre les accords commerciaux transatlantiques, que ce soit le TTIP, le TTIP, le TAFTA, ou bien la version plus limitée, mais toujours transocéanique, qui est le CETA. Mais il y a d'autres aussi dont on pourrait parler, c'est l'accord asiatique, etc., parce que tous ces nouveaux traités sont plus ou moins modelés suivant le même principe. Alors, on a dit qu'on allait parler du TAFTA, du TTIP, oui, plus tard, mais nous, on n'a pas isolé le CETA du TTIP, parce que ce sont des accords mixtes, donc ils imposent une certaine contrôle par les parlements locaux, très bien. Et pour le TTIP, on a pris une position plutôt favorable, sauf pour un point. Enfin, il y avait des réserves sur d'autres points, mais je me concentre sur le point du SDIS, c'est-à-dire de ces fameux tribunaux qui viennent régler les questions entre... En pratique, si une société se sent brimée par une action gouvernementale, elle attaque le gouvernement en dommages et intérêts. C'est peut-être dans la culture transatlantique, ce n'est pas dans la culture européenne. Nous sommes pour un état de droit et ce genre de travail est absolument pas acceptable. Donc nous avions pris une position très nette, oui, avec certaines réserves, mais on va, si à la fin de la négociation, ce SDIS dans cette forme est toujours là, on sera très méchant. Le CETA, qui était mené en parallèle, on est donc a priori d'accord parce que c'est un traité de libre-échange. On a évidemment regardé d'assez près les questions de normes environnementales. Globalement, est-ce que c'était négatif pour l'Europe? Non, on n'a pas... je passe au niveau général. Hein. Et quant au fameux litige, il y avait la garantie que c'était quand même les tribunaux de la justice des deux groupes d'États qui étaient in fine les responsables. Donc c'était relativement favorable, donc nous étions relativement favorables à ce CETA. Et on a été surpris par la position de la Wallonie. Par contre, on a été simplement surpris. En fait, on a été plutôt agréablement surpris que... un groupe relativement limité dans l'Union européenne montre les dents. Et puis, je connais un peu la politique belge pour avoir vécu longtemps en Belgique, et il y a toujours une solution en Belgique. Et donc, ils sont arrivés à une solution, mais après une amélioration, le texte a été amélioré. Donc vous restez plutôt sur une position plutôt favorable, sur ce CETA. Philippe Salmon, de Nouvelle Donne, vous semblez que vous tiquiez sur quelques points qui étaient donnés par Louis Jourdan. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire mon voisin. Nous, à Nouvelle-Donne, on s'oppose au traité de libre-échange, que ce soit le CETA ou le TAFTA. Déjà pour la simple raison que tout a été négocié dans notre dos, nous, les citoyens européens. Donc c'est la Commission européenne qui a nommé des personnes pour négocier ces traités, alors qu'il n'y a eu aucune intervention démocratique dans cette histoire. Et donc tout s'est fait dans l'opacité la plus complète. Alors le TAFTA maintenant est connu parce que ça fait quelques mois, quelques années même, que des associations travaillent sur le sujet et qu'ils ont réussi à avoir enfin ce qui était écrit dans le traité, ce qui s'est pas du tout passé pour le CETA, parce que le CETA, on le voyait venir, mais personne n'en parlait, aucun média n'en parlait. Et donc moi, je remercie au contraire la Wallonie d'avoir mis au moins la lumière sur ce traité, parce que ça a permis de s'apercevoir que tout était transparent et que tout était fait dans notre dos. Aujourd'hui, moi, je fais aussi partie du collectif Stop TAFTA. Je suis le représentant de Nouvelle-Donne au collectif Stop TAFTA. Et donc, ça fait quelques mois, plusieurs mois qu'on en parle, mais on n'obtient aucun écho. C'est pour vous dire, la première fois qu'on a créé ce collectif Stop TAFTA, ça remonte à 2 ans maintenant, à Rennes. On a convoqué les journalistes. Personne ne s'est déplacé au moment où on avait une conférence de presse à faire dessus. Et on ne parlait pas du CETA, on parlait du TAFTA à l'époque. Donc, vous voyez, depuis, les choses ont quand même pas mal évolué. Alors, moi, ce qui me gêne dans ce TAFTA, je rejoins un petit peu dans le CETA plutôt, c'est je rejoins un petit peu ce que disait Aymeric Salmon, du Front National. Voilà, du Front National. C'est vrai qu'au niveau des quotas de bœuf et tout ça, on risque de mettre en péril les personnes qui font de l'élevage, en particulier en Bretagne, puisqu'on est une région d'élevage, les personnes qui font du lait également, donc qui produisent du lait. Donc tout ça, avec l'histoire des quotas, ça a déjà été difficile, mais ce sera encore plus dur. Il y a d'autres choses qui me gênent aussi. C'est effectivement, là je rejoins mon autre voisin, c'est les tribunaux arbitraires. Effectivement, les tribunaux arbitraires qui existent déjà, qui sont déjà en place parce que les traités transatlantiques, comme on les appelle, ne sont pas les seuls. Et il y a en particulier des traités qui existent aujourd'hui entre le Canada et le Mexique, par exemple, où on a bien les États-Unis et le Mexique, l'ALENA, qui s'appelle l'ALENA, on a bien vu que les tribunaux arbitraires, les procédures qui ont été engagées par les nationales, les entreprises transnationales, ce sont toujours les États qui ont été condamnés à payer des sommes importantes, tout simplement parce que les transnationales estimaient qu'elles n'allaient pas faire de bénéfices par rapport à des lois qui avaient été prises par les parlementaires, tout simplement, des pays. Donc, il y a eu plusieurs exemples. Un des derniers en date, c'est Philippe Maurice qui a attaqué l'Australie dans un autre... Et ils ont obtenu... Alors, ils ont été déboutés, mais ils demandaient au gouvernement australien des dommages et intérêts très importants sur les bénéfices qu'ils comptaient faire. C'était même pas sur le chiffre d'affaires qu'ils avaient. Parce que tout simplement, l'Australie avait décidé de mettre en place le paquet neutre, ce qu'on a décidé de faire nous aussi en France. Voilà, donc tout ça, c'est pas bon du tout. Et nous, à Nouvelle-Donne, on milite clairement contre ces traités transatlantiques. On peut partir sur un axe un peu plus de... On va partir du libre-échange et tout ça, et partir sur de la démocratie européenne. Sur est-ce que la Commission européenne, donc qui a voté les TAFTA, les CETA, etc., n'est pas élue. Et vous, au Front National, vous dénoncez cela. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'on se dirige vers un maximum d'institutions démocratiquement élues par un grand nombre, ou est-ce que, d'un côté, ça semble difficilement réalisable à un niveau aussi grand que l'Union européenne ? Alors, nous, notre position, elle est assez claire, parce que nous, on est pour une souveraineté des nations, donc sur ce sujet-là. C'est assez simple. On veut pas mettre justement trop de décisions par des gens élus au niveau européen. On veut une coopération des pays européens, que les pays puissent travailler ensemble au sein d'une Union européenne, mais pas celle qui fonctionne aujourd'hui. Donc pas la Commission européenne. Pour appuyer un peu ce qu'a dit tout à l'heure Philippe Salmon de Nouvelle-Donne, si on prend l'exemple des négociations sur le CETA et le TAFTA, donc qui ont été engagées par la Commission européenne, il a bien raison de dire qu'il y a une opacité totale. J'ai encore discuté récemment avec Gilles Le Breton, qui est le député Front National européen de la circonscription Ouest, qui s'est rendu à Washington avec un représentant de chaque groupe politique du Parlement européen. Donc il y avait un représentant du PPE, les amis de Monsieur Sarkozy, un représentant du groupe des socialistes, un représentant de la gauche proche de Mélenchon. Il y avait un représentant de la droite de Monsieur Cameron, un représentant de UKIP. Et ils ont été discutés avec les négociateurs américains, et en discutant avec les négociateurs américains, ils ont appris plus de choses que ce qu'ils peuvent apprendre au Parlement européen. Ce qui prouve que même les députés européens, eux, alors c'est même plus en parlant des citoyens, c'est les députés européens n'ont plus de vision de ce qui se passe. S'ils veulent consulter les négociations en cours, ils doivent aller dans une petite pièce, laisser leur téléphone à l'entrée, interdit de prendre des photos, interdit de prendre le moindre texte et de repartir avec. Ils doivent regarder et ressortir. Donc c'est bien que aujourd'hui cette construction européenne a amené à quelque chose qui fonctionne très mal. Les citoyens ne s'y retrouvent plus. C'est une des grandes raisons pour laquelle, pour les élections européennes dernières, ils ont apporté beaucoup de voix au Front National, parce qu'ils veulent autre chose. Et nous, ce que nous voulons, c'est une coopération des pays, mais des décisions qui soient prises au niveau des États, dans les assemblées nationales de chaque État. Et c'est le corpus de notre discussion et de notre pensée politique. Alors apparemment, nous avons retrouvé Thibaut Fleury-Graff par rapport à la libéralisation de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que ces traités de libre-échange, et c'est un peu l'objectif que suit l'Union européenne, elle veut aller toujours vers plus d'ouverture de marché, vers une libéralisation, oui. Il est certain qu'à l'heure actuelle, l'Union européenne développe un programme d'expansion de ce libre-échange au-delà du seul marché intérieur. Les traités sont multipliés, que ce soit avec le Maroc récemment, que ce soit avec les pays d'Amérique du Sud, que ce soit avec les États-Unis dans le cadre du TAFTA ou le Canada dans le cadre du CETA. Donc oui, très clairement, c'est l'ambition aujourd'hui de l'Union européenne que de négocier ces échanges, qui est d'ailleurs une politique qui est incitée par l'OMC pour tous les États. Pour revenir donc sur la démocratie en Europe, je ne veux pas faire un rapprochement du tout entre Nouvelle-Donne et le Front National, on va difficilement en trouver, mais on peut sentir un peu tous les deux dans vos deux institutions que vous critiquez une chose qui peut être en commun, c'est un peu l'hétérogénéité des membres de l'Union européenne, notamment dans la campagne pour les européennes en 2014. À Nouvelle-Donne, vous critiquiez le fait que les 28 pays ne pouvaient pas gouverner, enfin il y avait des difficultés à gouverner vu le niveau d'hétérogénéité. Avec des niveaux d'intégration et des objectifs économiques et sociaux différents. Et du votre côté, le Front National, vous voulez une association libre d'États européens partageant la même vision et les mêmes intérêts. Moi, je me demande juste, est-ce que ça ne serait pas un peu instable au Front National, ce que vous pensez, de vouloir partager, que tous les pays qui soient membres de cette union partagent les mêmes intérêts, puisque ça risque de changer à chaque élection, ce genre de... Non, l'idée qu'on a, c'est que les coopérations entre les pays doivent pouvoir, sur des sujets précis, sur des sujets ponctuels, pas forcément justement, c'est peut-être un des reproches que vous précisiez pour mon collègue de Nouvelle-Donne, c'est-à-dire que à 28, il y a beaucoup de choses où certains ne veulent pas faire, mais sont quand même obligés de le faire aujourd'hui parce que les 28 ont décidé. Et l'idée, c'est peut-être que sur certains projets, il y a 4-5 pays qui se mettraient d'accord pour faire une action spécifique avec l'accord de leur gouvernement et de leur représentation parlementaire, et que pour un autre projet, ça serait une autre mouture d'autres pays qui montrait un autre projet. Ça a très bien fonctionné dans le passé, quand au début de la construction européenne, quand les programmes, par exemple Airbus ou Arianespace, ne sont pas en soi des programmes de l'Union européenne. Ce sont des programmes de coopération de pays européens qui ont été aidés par l'Union européenne, mais c'est pas l'Union européenne qui a créé ces programmes. Ce sont une alliance, par exemple, pour Airbus, entre principalement l'Allemagne, l'Angleterre et la France, et qui a mené à la construction d'un géant aéronautique, et sur lequel la Lituanie, l'Estonie et la Finlande n'auraient pas eu les moyens d'entrer et de participer à cette construction. Et c'est un peu dans cet esprit qu'on veut remettre en place justement une coopération des pays sur des sujets que chaque pays choisirait, entre guillemets. On pourrait dire une Europe à la carte, mais c'est une Europe de coopération à la carte, oui. Philippe Salmon, à travers la critique que je disais que vous faisiez dans votre programme, c'est un peu ce que vous voulez sous-entendre aussi ? Non, pas exactement. Effectivement, dans notre programme, on parlait bien des 28. On disait qu'effectivement, c'est difficile de prendre des décisions à 28. Mais on n'est pas du tout anti-européen. On est plutôt des européistes et progressistes. Simplement, l'Europe qu'on nous propose aujourd'hui, on n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Nous, on est plus pour une Europe sociale. Et malheureusement, ça fait plusieurs années qu'on nous le promet. D'ailleurs, l'Europe a été construite là-dessus, sur la coopération et la solidarité. Et en fait, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. On a une Europe de la finance et on a une Europe de décideurs qui prennent des décisions qui favorisent les finances, tout simplement. Donc, ce que nous avons proposé dans notre programme, en fait, des européennes, c'est de reconstruire l'Europe, et pas forcément avec les 28, pour que ce soit justement, pour que ça aille plus vite, et donc de reconstruire une Europe sociale avec des mesures sociales qui soient prises pour qu'on puisse ensuite avancer, alors peut-être avec 6, 7, 8, 9 pays, ceux qui veulent bien s'y mettre, et qu'ensuite les autres nous suivent. Mais on n'est pas du tout en train de rejeter l'Europe, ni de rejeter les autres pays. On veut simplement changer le modèle social de l'Europe. Louis-Jourdain, juste avant de vous donner la parole, il y avait Thibaut Fleury-Graff qui avait demandé la parole après l'intervention de Émeric Salmon. On vous écoute. National, il y a un discours que j'ai du mal à m'expliquer et à comprendre, qui est le fait de reprocher à l'Union européenne d'être très peu démocratique, mais en même temps de tout faire pour qu'elle ne le devienne pas. Puisque ce que propose finalement le Front National, ici à travers la voix de Émeric Salmon, c'est donc de mettre fin à l'Union européenne et de rendre leur souveraineté aux États. Ça existe déjà, ça, ce genre de coopération internationale. Ça existe déjà, c'est la coopération internationale. C'est l'ONU. Moi, je ne trouve pas que l'ONU soit un modèle de démocratie et un modèle de coopération réussie. Si on veut rendre l'Europe plus démocratique, il faut donner plus de pouvoir au gouvernement européen, plus de pouvoir aux citoyens européens et pas plus de pouvoir aux États. Émeric Salmon, juste du coup, comme vous êtes... Oui, je suis interpellé, mais je vais répondre simplement. Nous, notre idée, nous, c'est que le meilleur étage d'organisation de la société, c'est justement la nation. On peut ne pas être d'accord. Hein. Je comprends tout à fait que vous ayez une position différente et que nous, on pense que justement le meilleur étage de l'organisation de la société, c'est la nation. C'est là où c'est ce qui fonctionne le mieux depuis de nombreuses années, depuis maintenant suffisamment longtemps pour que les peuples se reconnaissent bien dans leurs élus au niveau national. Ça fonctionne, ils ont une bonne connaissance des fonctionnements de la démocratie en France, et j'imagine que dans les autres pays européens, ils ont une bonne connaissance aussi de leur fonctionnement propre dans chaque pays. Et quand je dis redonner le pouvoir aux nations, c'est bien évidemment au peuple dans chaque nation. C'est pas la nation toute seule qui va décider, c'est bien redonner le pouvoir au peuple. Moi, ce que je conteste un peu, c'est dans certains... Enfin, ce que je conteste beaucoup même, c'est que dans la construction européenne aujourd'hui, des peuples qui sont... minoritaires en nombre d'habitants ont par exemple le même nombre de voix dans les conseils de l'Europe pour prendre des décisions qui maintenant le plus souvent avec le traité de Lisbonne se font à la majorité du nombre d'États. Et donc, c'est quand même un problème qui peut, sur certains sujets, alors je sais que sur certains autres, sur beaucoup de sujets, il y a encore la majorité qualifiée qui intervient, mais la majorité qualifiée, c'est chaque pays a un poids en fonction de sa taille. Mais au niveau européen, le fonctionnement de l'Europe est un étage plus haut que le fonctionnement des pays, et les habitants, pour eux, c'est quand même beaucoup trop éloigné, et on voit ça au niveau pareil de la construction de l'État. Nous sommes pour la structure commune département nation qui fonctionnait très bien auparavant, et on voit souvent les gens trouvent par exemple que les communautés de communes, c'est bien loin par rapport aux communes. On est pour un rapprochement de la décision politique du citoyen. Voilà, c'est dans ce sens que je voulais défendre la position que l'on a. Alors Louis Jourdan, du Mouvement Européen de Rennes, sur cette question de la démocratie en Europe, est-ce qu'elle est vous n'êtes pas pour réformer l'Union Européenne totalement, puisque vous la défendez quand même. Quel est votre avis là-dessus ? Eh bien, je crois qu'il faut repenser, se resituer au début de la création de l'Europe, par le marché commun, par l'Union économique, puis maintenant l'Union Européenne. Les fondamentaux, c'était quoi ? C'était trois institutions, une qui s'appelait la Commission européenne, et qu'on va peut-être comparer à l'exécutif, au gouvernement d'un État. Le deuxième institution, c'était le Parlement européen, qui d'ailleurs au début n'avait qu'un pouvoir consultatif, mais qui, à partir de 1989 ou 1989, a eu un pouvoir de décision. Et puis, le concert des États, une sorte de Sénat, si vous voulez, et qui s'appelle le Conseil européen ou le Conseil de l'Union européenne, suivant le niveau où on est. Et au début, c'était simplement ce Conseil de l'Union européenne qui avait le pouvoir de décision, la Commission ne faisant que présenter des propositions. Ces propositions étaient soumises au Parlement, consultatif dans un premier au début, puis ensuite exécutif, et finalement entérinées ou codécidées avec les gouvernements. Très bien, c'était l'image d'un État. Dans un État, les ministres ne sont pas forcément élus, sont désignés. On voit bien dans de nombreux proches de chez nous. Donc que les commissaires, que les membres de la commission ne soient pas élus, bon, c'est peut-être regrettable, et personnellement, moi, j'aimerais qu'ils soient élus, mais ce n'est pas choquant en soi. Le Parlement, au début, il émanait des parlements nationaux, donc c'était des élus. Puis maintenant, il est élu au suffrage direct. On ne peut pas faire plus démocratique. Bien sûr, il faut aller voter. Bon, mais sinon, c'est parfaitement démocratique. Il y a le Conseil de l'Union européenne, les gouvernements, mais au début, ils étaient là pour... ils représentaient leur pays. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'on a à la fois développé un certain nombre de responsabilités pour l'ensemble européen. Par exemple, le commercial a été donné en exclusivité, en compétence exclusive à l'Union européenne. Les traités sont discutés maintenant par la Commission. Ça a été entièrement dévolu comme compétence. Il y a des compétences qui sont entièrement restées au niveau national. L'éducation, la sécurité, la santé sur le lieu de travail, par exemple. Non, il y a un juste équilibre qui a été trouvé. Voilà. Mais il y a eu des dérives. Et, hélas, il y a eu d'abord une dérive qui a fait que le Parlement a été moins... n'a pas eu tout le prestige qu'il aurait dû avoir. Donc les citoyens s'en sont un petit peu éloignés. Il y a eu la Commission qui a cherché, par son pouvoir d'initiative, à imposer un certain nombre de vues, et elle est devenue de plus en plus libérale c'était l'époque des Thatcher, etc. Bon, il y aurait peut-être maintenant un retour en arrière là-dessus, mais c'était, ça a été assez regrettable. Et puis, il y a eu les États qui ont oscillé entre une participation plus ou moins active au début, avec récemment une sorte de reprise du pouvoir par les États. On a dévoyé ce sens initial et par là, on a perdu un petit peu du caractère démocratique initial. Donc, ce n'est pas perdu. Il faut très certainement refonder l'Europe et on s'en occupe avec des tas de propositions. Tout le monde fait des propositions pour repartir sur de nouvelles bases pour l'Europe. Et bien évidemment, la démocratie est la chose qu'il faut promouvoir d'une façon très importante, mais en gardant quand même l'esprit de créativité qui était initialement prévu. Merci. Avant de continuer le débat, je voudrais laisser du coup la parole à Colin pour sa chronique. Vas-y, c'est à toi. Merci. Alors aujourd'hui, on va parler de pédagogie, mais d'abord, petit retour en arrière. Le 29 mai 2005, le peuple français doit se prononcer sur la proposition d'un traité constitutionnel européen, un traité censé renforcer les bases du projet européen en le dotant d'une constitution. Pour faire voter son traité, l'Europe dispose d'une puissante alliée, les médias. Arrêt sur Image, qui était en 2005 une émission de France 5, s'est amusé à comparer le nombre d'intervenants en faveur du oui ou en faveur du non au traité dans les émissions de télévision au mois de mars 2005, soit 2 mois avant le scrutin. Résultat, 71% d'intervenants pour le traité constitutionnel, 29% contre. Le traité constitutionnel et sa couverture médiatique fait bien sûr débat au sein des rédactions, mais le débat est encore plus vaste et s'étend à toute la profession. Au moins 3 communiqués seront diffusés à cette période pour dénoncer la partialité et le manque de pluralisme des médias. La résolution du Syndicat national des journalistes, le 16 avril, dénonçant les dérives du traité pour l'audiovisuel, l'appel de nombreuses personnalités du service public le 17 mai et le communiqué de résistance à l'agression publicitaire le 18 mai, dénonçant une confusion entre les pouvoirs économiques, politiques et médiatiques. Bref, avec tout ça, le peuple était quand même censé pouvoir voter oui, mais en fait non. Et pour remédier à ces erreurs, un mot revient, pédagogie. Pédagogie du grec païs païdos, l'enfant qui a également donné, oui on sait, pédophilie. Bref, faire de la pédagogie, ça veut dire expliquer à un enfant, donc ça veut dire infantiliser. Sont donc infantilisés les jeunes capricieux qui se sont massivement prononcés contre le traité constitutionnel de 2005. Sur France Culture, au lendemain du psychodrame, oui le psychodrame c'est un nom masculin désignant toute décision citoyenne freinant la construction européenne. L'économiste Olivier Pastré s'emporte. C'est pour eux qu'on a construit l'Europe. S'ils n'en veulent pas, on n'est pas bien barré. Les vieux sont aussi infantilisés. La presse est unanime. Le Brexit est la volonté d'une armée de petits vieux individualistes invalides et mourants qui prennent un malin plaisir à prendre des décisions dont les conséquences vont d'abord être subies par les jeunes générations. Acrimed épingle cette plaisanterie d'un goût fort douteux de la journaliste du Monde Hélène Bekmézian. Le droit de vote, c'est comme le permis. Franchement, au bout d'un certain âge, faudrait le retirer. D'ailleurs, on nous explique que les Brexiteurs ne sont en fait qu'une bande d'ivrognes. Au lendemain du psychodrame du Brexit, les Britanniques se réveillent avec la gueule de bois, nous disent l'Express, Courrier International ou encore le HuffPost. En fait, les Brexiteurs se sont juste bourrés la gueule le jour du vote et puis le lendemain, ils s'étaient désolés pour hier soir d'avoir fini à l'envers, promis demain ils arrêtent de boire, hier c'était la dernière. Plus récemment, la pédagogie pointe du doigt les Wallons. Qui sont montrés comme des gêneurs visant à faire une obstruction systématique à tout projet qui serait bénéfique à l'Europe. Le Monde va même jusqu'à titrer que le blocage wallon met en danger les négociations d'autres accords de libre-échange. Et là, on a peur, Tanguy. Mais rassure-moi, Colin, tout est bien qui finit bien. Oh mais oui, Tanguy, t'inquiète. Le traité constitutionnel ne passe pas par la porte du référendum. Aucun souci, on le fera rentrer par la fenêtre. Et pour que ça se voit moins, on l'appellera juste traité de Lisbonne. Même chose avec le CETA que le Parlement wallon a fini par accepter. Beaucoup de bruit pour rien, semble-t-il, commente Alain Passerelle, présentateur du 13h de France Inter. Une bonne blague à laquelle vient s'ajouter le gag de l'avion de Justin Trudeau, qui vient de faire demi-tour alors que son avion rencontre un problème technique lors de son vol vers l'Europe et son libre marché. Ce n'est qu'un contretemps supplémentaire face à une issue heureuse et inéluctable, la signature du traité. Le Brexit a été voté, que tout le monde se rassure. Le référendum n'était que consultatif. Et selon certains juristes, la décision d'enclencher le Brexit tient à l'accord du Parlement largement favorable au Remain. Alors au cas où vous auriez vraiment peur, l'éditorialiste du Monde, Arnaud Leparmentier, nous annonce solennellement que le Brexit n'aura pas lieu. Tout ça, c'était pour rire. D'ailleurs, les médias français vont s'empresser de nous montrer la profusion de Brexiteers, ces Britanniques ayant voté pour le Brexit et même ayant fait parfois une large campagne pour le Brexit, comme Kevin McKenzie, éditorialiste du tabloïd The Sun, et qui regrettent leur choix. L'analyse de Jean-Michel Affati, dont la pertinence tient entre 32 caractères, va parfaitement finir cette chronique. Un peu crétin, ces Britanniques. Donc, suite à cela, je voudrais vous poser quelques questions. On parlait de démocratie en Europe tout à l'heure. Et effectivement, la démocratie pointe une fois de plus son nez ici, les problèmes liés à la démocratie. On voit que dans le cas du CETA, la négociation est bloquée par une minorité de personnes, par les Wallons. Est-ce que, quelque part, finalement, ça ne pose pas un problème démocratique qu'une seule minorité puisse ralentir les décisions qui ont été prises? Et est-ce que, finalement, cela ne nuit pas considérablement à l'efficacité des institutions? Thibaut Fleury-Graff, peut-être sur le sujet, vous semblez vouloir réagir. Effectivement, si l'Europe était véritablement démocratique, une telle minorité ne pourrait jamais mettre son grain de sel et ne pourrait pas s'opposer, ne pourrait pas forcer, comme ça a été le cas en l'espèce, forcer les négociateurs à inclure des nouvelles clauses, à réviser certains aspects du traité pour accepter de le signer. C'est bien la preuve que l'Union européenne est totalement ou presque intergouvernementale, c'est-à-dire que les États et même certaines régions de ces États ont tout à fait la possibilité de s'opposer aux décisions de l'Union européenne et que, ce faisant, les États n'ont pas du tout perdu la mainmise sur la prise de décision au niveau de l'Union européenne. Philippe Salmon, juste sur le sujet de la démocratie encore européenne, du coup, on parle de vouloir changer les choses et tout. Concrètement, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que l'Europe, du coup, toujours avec ces histoires de traités qui sont votés, est-ce qu'il y a encore quelque chose de possible à faire, ou est-ce que le fait qu'on ait difficilement des emprises sur les décisions bloque la chose, bloque les toutes réformes? Alors, pour ce qui concerne la démocratie en Europe, j'ai des doutes quand même, parce que on parlait du Parlement européen tout à l'heure. Le Parlement européen n'a pas un pouvoir de créer des lois. En fait, c'est la Commission et le Conseil européen qui propose les lois au Parlement. Donc les parlementaires n'ont qu'à voter, quoi. Et en fait, il y a rarement de débat au Parlement européen. Ils sont là pour donner leur voix les uns les autres, et puis c'est tout. Donc on peut pas vraiment parler de démocratie européenne aujourd'hui. Et c'est sans doute là qu'il y a un problème. Si on veut vraiment qu'il y ait une démocratie en Europe, il faut vraiment mettre des parlementaires et que ce soit eux qui décident les lois et qui les parlent, comme ça se fait dans les assemblées nationales aujourd'hui. Donc on est pour, évidemment, mais il faut une réforme déjà en profondeur. Ça commence comme ça. Ensuite, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de l'Europe sociale. Malheureusement, aujourd'hui, on n'en voit pas du tout la couleur, quoi. On a beau nous dire rassurez-vous, ça va venir. Ça fait 40 ans qu'on nous en parle, et depuis 40 ans, on voit toujours rien arriver. Donc il serait temps quand même de mettre un petit peu le sujet sur le travail, sur la paillasse de travail, tout simplement, et qu'on se retrousse les manches un petit peu. Moi, j'en reviens au discours de Paul Magnette, je ne sais pas si vous l'avez écouté. Il est extraordinaire, son discours. Il est extraordinaire devant le Parlement wallon. Il dit tout ce qu'il faudrait faire et tout ce qu'il ne faut pas faire en Europe. Et donc, c'est malheureusement, aujourd'hui, il y a très peu de politiques qui ont le courage de faire ça et de le dire. Donc, moi, je suis complètement, conquis par ce discours-là. C'est le discours qu'on tient aussi chez nous, à Nouvelle Donne, c'est la même chose. Et donc, je pense que là, il y a effectivement des avancées qui peuvent être mises en place pour qu'enfin l'Europe ne soit pas une Europe des finances, encore je le dis, et puis une Europe qui aujourd'hui n'est pas capable d'une harmonisation sur les salaires, une Europe qui n'est pas capable d'une harmonisation sur les impôts sur les sociétés. alors que les États-Unis l'ont fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le taux d'imposition en Europe en moyenne a baissé de 37% à 25% sur les sociétés, avec des disparités énormes d'un pays à l'autre. Alors que les États-Unis d'Amérique, qu'on critique souvent, eux, ils sont à presque 40% d'impôts sur les sociétés. Et ils l'ont mis au niveau national, c'est-à-dire que tous les États se sont basés sur ce. Donc vous voyez qu'on a encore des efforts à faire. Et si on ne fait pas ces efforts-là, malheureusement, avec en plus les crises migratoires qui nous attendent et la crise environnementale également, j'ai peur qu'on en arrive à des catastrophes. Mais alors comment ils peuvent être faits? Parce que est-ce qu'il n'y aurait pas un manque d'informations? Moi, je me suis juste vite fait renseigner avec des chiffres. Il y a la Commission européenne qui fait régulièrement des études en fait pour connaître l'opinion publique. Et donc on apprend que les Français, donc à 61%, se sentent citoyens européens, mais que d'un autre côté, ils sont 71% à ne même pas savoir quels sont leurs droits en tant que citoyens européens. Est-ce que peut-être Louis Jourdan, sur ce côté-là, est-ce qu'il y a un manque d'informations, un manque de voilà d'informations, de pédagogie? Comme disait Colin tout à l'heure dans sa chronique, est-ce qu'il faut plus informer les gens sur qu'est-ce que c'est être citoyen européen? Il est certain que les institutions européennes ne sont pas le paragon de la communication et de la pédagogie. Mais oui, c'est vrai, l'information elle existe, mais il faut aller la chercher. Et ça, c'est un peu plus difficile. Il faut également que le citoyen le veuille. Je voudrais juste dire que je suis d'accord avec mon voisin Philippe Salmon sur pas mal de choses. D'abord, je rends hommage, comme lui, au dynamisme de Maurice Piette. C'est Maurice non, Paul, le... Magnette. Paul Magnette, voilà. Un discours qu'on peut retrouver facilement sur les réseaux. Oui, bien sûr. Oui, non, mais... Au début, j'étais un petit peu choqué, puis après, j'ai bu du petit lait. Il a des idées, et c'est vrai que c'est un grand politique, et qu'il y a beaucoup de choses à tirer de ses idées. D'ailleurs, il a séduit beaucoup, beaucoup de Belges aussi. Hein. Et pas simplement des Wallons, des Flamands aussi, hein, ce qui est encore plus méritoire. Il faut faire des choses pour retrouver, comme on disait tout à l'heure, l'esprit des pères fondateurs qui étaient profondément démocratiques. Il faut très certainement donner plus de pouvoir aux citoyens, c'est vrai. Il faut qu'on ait des politiques qui soient clairement définies, clairement établies au niveau européen, expliquées avec l'objectif qui soit bien décrit et non pas ajusté en cours de discussion et souvent dans une tendance, dans une dérive ultralibérale, comme on le disait tout à l'heure. Il y a vraiment des réformes à faire. Est-ce qu'il faut tout jeter ce qui existe et repartir de zéro? On peut avoir la tentation de le faire, c'est vrai, oui. Et on ne condamne pas systématiquement ceci, mais il y a peut-être aussi du bon à garder et on peut sans doute faire des améliorations par progressives sans être obligé de repartir à zéro avec tous les risques que ça représente de lenteur, de capoter, hein, etc. On a un sacré chantier devant nous. Donc oui, et la difficulté, c'est peut-être de voilà que les citoyens trouvent qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut enlever dans ce choix-là. Et alors peut-être Émeric Salmon du Front National, est-ce que vous aussi vous trouvez de votre côté qu'il y a un manque d'information des citoyens, peut-être que vous voyez des gens près de vous en tant qu'élu qui se demandent à quoi sert l'Europe aujourd'hui? Le manque d'information des citoyens, il est criant quand on voit le taux de participation aux élections européennes, parce que vous avez parlé tout à l'heure de soi-disant études réalisées par la Commission européenne. Pour moi, la meilleure des études, c'est le jour de l'élection. Et quand on voit qu'aux élections européennes, alors j'ai plus le chiffre en tête, j'espère pas dire une bêtise, mais on est autour de 43 ou 44% de participation, c'est affligeant, c'est triste, parce que une élection, moi je suis pas favorable au vote obligatoire comme il y a dans certains pays européens, en Belgique je crois que c'est le vote est obligatoire, mais le vote c'est un droit, mais c'est surtout un devoir. C'est-à-dire chaque citoyen devrait, de mon point de vue, aller voter de sa propre initiative, mais c'est bien triste quand on voit que les gens ne se déplacent plus. Alors c'est Moi, je le mets encore sur l'éloignement et aussi sur le traitement qu'on fait des décisions. Je vais revenir quelques secondes sur la Wallonie et sur ce que j'ai entendu beaucoup parfois dans les médias récemment et que j'ai cru entendre chez notre ami éloigné tout à l'heure sur le de dire que un peuple minoritaire en Europe ne devrait pas pouvoir bloquer toute la machine, mais c'est juste l'application des traités. Alors les traités, moi je suis pour les casser et en faire autrement, mais aujourd'hui les traités ils disent que si la Wallonie disait non, c'est non. Donc même si c'est alors là j'ai encore peur de dire une bêtise sur le nombre d'habitants de la Wallonie, si c'est 4 millions d'habitants qui disent non, et ben les traités européens aujourd'hui disent que c'est non. Donc c'est pas contraire à la, moi je pense que le peuple wallon a dû se sentir vexé quand il s'est pris des coups sur la figure parce que beaucoup d'Européens leur tombaient dessus en leur disant c'est pas bien ce que vous faites, mais ils sont libres de faire justement de faire pour eux ce qu'ils pensent qui est bon pour eux. C'est dans ce sens là où moi je pense que le pouvoir doit revenir aux assemblées nationales. Si l'Assemblée nationale française, malheureusement je pense que ça ne sera pas le cas, mais enfin, quoi que je ne sais pas si le vote pour le Sénat, pour le CETA en France sera avant ou après juin 2017, parce qu'il y aura peut-être un changement de majorité, des changements de... La personne que j'ai interviewé tout à l'heure m'a dit que ça allait prendre 4 à 5 ans. 4 à 5 ans. Voilà. Donc, ça sera après juin 2017. Du coup, voilà. Donc, là, au moins, on est sûr. Donc, la majorité aura le temps de changer peut-être une, voire deux fois si c'est plus de 5 ans. Mais si les Français, par leurs représentants, disent non au CETA, moi, je suis pour que le CETA ne passe pas. Et en plus, vous avez dit, au tout début, je reviens sur quelque chose, vous avez dit que ça allait mettre du temps à venir. J'avais lu un article, alors, qui est peut-être erroné, mais qui disait que le CETA allait quand même se mettre en place. Après le Parlement européen, certaines mesures peuvent être mises en place. Voilà, mises en place avant même que les parlements européens votent. Parce qu'en fait, dans le CETA, il y a des compétences qui sont uniques à l'Europe. Donc quand le Parlement européen aura voté ce traité, ces compétences pourront être mises en place. Il y a des compétences qui relèvent de la nation. Et c'est la nation qui doit valider ce accord pour que ça soit mis en place. Moi, vu que je trouve que les traités... Alors, moi, je pense qu'il faudrait même un référendum pour pouvoir valider le traité. Alors, je sais qu'on en sera loin, mais sauf si... il y a encore un psychodrame comme disait Colin en mai 2017. Philippe Salmon, juste peut-être vous tiquiez avant de donner la parole à Thibaut Fleury-Graff. Pour ce qui concerne la Wallonie, alors j'ai dit que tout à l'heure que j'admirais bien sûr Paul Magnette, mais il faut savoir que ce ne sont pas les seuls qui étaient contre le CETA. Il y a bien d'autres pays qui étaient contre, enfin du moins les citoyens des pays. Il y a eu une grosse levée de boucliers en Allemagne en particulier, qui est les citoyens sont très contre tous ces traités de libre-échange. Il y a eu beaucoup de personnes à défiler dans les rues. L'Autriche aussi était contre, enfin les citoyens. Alors c'est toujours pareil, on nous dit après qu'il n'y a que les Wallons qui bloquent, mais il y a beaucoup de citoyens juste que leur parole n'a pas forcément été entendue. Qui sont contre ces traités de libre-échange et qui malheureusement, à qui on ne donne pas la parole. C'est bien ça le problème aujourd'hui. Voilà. Thibaut Fleury-Graff, c'est sur le manque d'informations que vous vouliez réagir, il me semble. L'information, comme l'a dit un des intervenants, effectivement, il faut aussi aller la chercher. C'est bien beau de dire, on n'est pas assez informé. Elle est aujourd'hui quand même assez facilement accessible sur Internet. Par contre, c'est vrai, c'est que elle est très peu présente. Et pour le coup, là, je rejoins ce qui était dit dans la chronique. Elle est très peu présente au niveau des médias, puisque il y a les médias, par exemple, auxquels ils n'ont pas de représentants à Bruxelles aujourd'hui, les grands médias télévisuels français n'ont pas de représentants à Bruxelles, ce qui est une hérésie absolue, sachant que énormément de décisions se prennent au niveau des institutions de l'Union européenne. La dernière chose, c'était à propos de la Wallonie, évidemment que l'opposition wallonne était tout à fait en accord avec les traités. Et ce que j'ai voulu dire, c'est que ça prouvait bien qu'on n'était pas dans une Europe totalitaire comme on a pu l'entendre ici ou là, mais qu'au contraire, on était dans une Europe qui permettait encore aux États et même au peuple européen, au peuple de chaque nation, à travers la procédure de ratification, de s'opposer aux décisions qu'ils ne jugeraient pas conformes aux intérêts. Eh bien, merci beaucoup pour votre intervention. Je pense qu'on va pouvoir clôturer l'émission sur ces paroles. Juste le temps pour moi de faire la promotion pour un instant qui aura lieu la semaine prochaine, si les problématiques européennes vous intéressent. La Commission européenne, justement, organise ce lundi 7 novembre au soir un débat citoyen au Hall Martineau à Rennes. Seront présents notamment le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, et Plantu de l'association Cartooning for Peace. Du coup, merci à nos quatre invités qui étaient présents sur le plateau ce soir. Philippe Salmon de Nouvelle-Donne, Louis Jourdan, membre du mouvement européen de Rennes, Émeric Salmon, conseiller régional ainsi que responsable de la section rennaise du Front National, et Thibault Fleury-Graff, professeur de droit à l'université de Rennes 1. Merci à Colin et à Clément pour leur aide dans la préparation de l'émission. Merci à Yves et à Arthur à la technique. Merci au Club de la Presse de Rennes et de Bretagne pour leur accueil cette semaine encore. Pas d'émission pour nous la semaine prochaine, mais pour combler ce vide, vous pouvez podcaster toutes nos émissions sur le site de Radio Laser. Et nous, on peut poursuivre notre discussion sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, hashtag la popote. Tout de suite sur Radio Laser, c'est Eureka avec Marcus. Bonne journée.